Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Psycho Killer fut le premier hit de Talking Heads en 1982. On écoute une version très récente par l'italienne Dolce. Can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Far, far, far, far, far, far, far, far, far better. Run, run, run away. I passed out hours ago. I'm sadder than you'll ever know. I close my eyes on this sunny day. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Run, run, run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Run, run, run away. Que j'ai fait ce soir-là, ce qu'elle a dit ce soir-là, réalisant mon espoir, je me lance vers. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Run, run, run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa. People when they're not polite. Yeah. copie non conforme. R. Dean Taylor a sorti There's a Ghost in My House en 1966. Les Anglais de The Fall en ont fait une interprétation post-punk en 1987. Still such a part of me, 'cause the demons are part of me.

of broken light which dance before me like a million eyes. They call me all along across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe. Copie non conforme. On écoute maintenant une très belle interprétation des Vacances au bord de la mer par Camille Fest. Suivra la version originale de Michel Jonas. Comme ils dépensaient leur argent.